89.1. Québec. Aujourd'hui au Grain de sable, une entrevue avec le sociologue et essayiste Pierre Moutarde en première demi-heure et la chronique de Robert Jasmin en seconde partie d'émission. Le Grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec en ce magnifique 18 février 2012. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils nous écoutent, je rappelle que Le Grain de sable est un magazine socio-économique réalisé par le collectif des membres d'Attaque Québec et où on y écoute de la musique engagée et des invités également engagés. Comme je vous mentionnais, nous allons nous entretenir avec Pierre Moutarde, auteur, sociologue et essayiste. Donc, en première partie d'émission, notre entretien va porter sur un article paru dans le dernier numéro de la revue Relations sur les traces du virage à gauche latino-américain. Nous aurons ensuite l'éditorial hebdomadaire de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, puis ce sera la chronique sur où en est rendue la gauche aux États-Unis avec Robert Jasmin. Mais d'abord, on écoute un groupe de musique chilien fondé en 1967 par trois étudiants de la Universidad Técnica del Estado. Il s'inscrit dans le mouvement appelé Nueva Canción Chilena. Alors, s'intitule le groupe Inti Illimani dans un chant révolutionnaire Venceremos. À tout de suite. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia. A cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Voilà, c'était donc Venceremos, interprété par Inti Illimani au Grain de sable sur CKRL 89.1. Alors, je suis en compagnie maintenant de Pierre Moutarde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Grain de sable. Alors, vous êtes auteur, sociologue et essayiste. Vous avez écrit un article sur la gauche latino-américaine dans le dernier numéro de la revue Relations que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ici au Grain de sable. Alors, magnifique revue. L'article se nomme « Sur les traces du virage à gauche latino-américain ». Alors, d'où vient cet intérêt pour l'Amérique latine? Ben justement, l'Amérique latine, c'est un continent. qui peut-être peut nous aider, hein, peut être une sorte de boussole pour les temps présents, hein, peut nous aider à mieux voir ce qui se passe chez nous, à mieux l'entendre, parce qu'on trouve dans ce continent et dans un certain nombre de pays, en tout cas, des situations très fortes, hein, très, très claires, qui permettent de comprendre un peu les grandes tendances qui traversent notre monde contemporain. Et notamment, en particulier, la question de l'émergence du néolibéralisme, qui est si présente aujourd'hui. Hein, les politiques néolibérales sont présentes partout au monde, y compris chez nous, bien sûr, au Québec. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que vous dites que l'Amérique latine est pour nous une boussole pour les temps présents. Mais en tout cas, elle nous permet de mieux voir certaines grandes tendances et notamment les effets de ces politiques néolibérales, d'une part, et d'autre part, les manières avec lesquelles on pourrait affronter ces politiques néolibérales. Et on voit un petit peu justement tous les combats qui ont été menés en Amérique latine à partir des années 2000, surtout fin des années 90, début des années 2000, pour tenter, hein, de mettre un terme à ces politiques néolibérales, en tout cas de les freiner de manière très très particulière. Parce que c'est ça qui est important de voir, hein. Le néolibéralisme qu'on connaît aujourd'hui, qui prend les formes là, donc de privatisation, de dérégulation, d'ouverture des marchés, hein, de grands espaces de marché libres, ben ces politiques néolibérales, en fait, elles ont été expérimentées pour la première fois au Chili en fin 73, début 74, par le général Pinochet, à travers la mise en place d'une dictature de sécurité nationale qui a donc transformé radicalement les conditions de vie des couches populaires et qui en a profité au passage pour écraser par la force, hein, des armes un mouvement social que justement le groupe dont vous avez parlé tout à l'heure, Intilimani, dont ce groupe-là cherchait à exprimer un peu tous les désirs de changement et de transformation sociale qui étaient très fortes à cette époque-là. Donc les dictatures de sécurité nationale, en même temps qu'elles mettaient en place un régime, si vous voulez, un nouveau régime de régulation économique, ont écrasé les mouvements sociaux, les mouvements sociaux d'origine populaire, de manière extrêmement brutale. Alors ça nous montre bien que le néolibéralisme, c'est non seulement une nouvelle manière de gérer l'économie, mais c'est aussi une manière de mettre au pas les mouvements sociaux. Est-ce qu'on peut dire que l'Amérique latine est le berceau du néolibéralisme? Parce qu'avant ça, c'était différent, le système économique était différent dans ces pays-là? C'est-à-dire, le berceau, c'est les pays où, en particulier à travers le cas du Chili, où ont été expérimentées pour la première fois ces politiques qui viennent d'ailleurs... Donc c'était pas là avant. Des États-Unis, à travers les grandes universités, ces fameuses politiques néolibérales des Chicago Boys. Hein, voilà, qu'est-ce que Chicago Boys? Alors, ce sont des grands universitaires qui ont fait leur lit, si je puis dire, dans justement l'université de Chicago et qui ont développé un nouveau discours économique qui tentait d'aller à l'encontre des politiques keynésiennes qui étaient alors dominantes à l'échelle du monde et en particulier en Amérique latine, qui étaient présentes ici au Québec et qui ont donné lieu notamment au développement de l'assurance maladie, du développement du bien-être social, de l'idée de santé, d'éducation gratuite. Tout ça, c'est, si je puis dire, c'est organisé autour du développement de politiques keynésiennes, du développement de l'État-providence. À partir des années 70, en Amérique latine, on commence à battre en brèche ces politiques, à les remettre en cause, notamment à travers l'installation de dictatures de sécurité nationale, la mise en place d'un nouveau discours économique. Alors, on voit très bien... de façon très très claire, quelle forme a pris ce discours économique. Et aussi en Amérique latine, un peu plus tard, on voit très bien comment les gens vont tenter de résister à ce nouveau discours économique, à ces nouvelles politiques. Et c'est ça qui est intéressant. On voit mieux clairement, parce que les choses sont plus tranchées, sont plus vives, si je puis dire, les conflits sont plus exacerbés. Ça nous permet donc de mieux voir ce qui se passe à l'échelle du monde et donc ce qui se passe au Québec. Parce qu'au Québec, c'est la même chose qui arrive un peu en retard. Mais dans les années 60-70, vous avez une espèce d'aspiration au changement social qui incarne l'idée de se faire un pays, de gagner une indépendance. Puis après ça, vous avez l'échec de ce mouvement-là et la montée en force de nouvelles politiques économiques, les fameuses politiques néolibérales qu'on retrouve aujourd'hui partout présentes et contre lesquelles d'ailleurs les étudiants... Québécois actuellement se sont soulevés, sont en train de se soulever. Donc au fond, il y a les mêmes choses qui prennent dans chaque pays, dans chaque continent, des formes différentes. Mais en Amérique latine, disons que les choses sont plus vives, plus claires, hein, plus tranchées, et donc on voit mieux. Il y a plusieurs, en tout cas dans le texte, dans votre article, vous nommez aussi, il y a plusieurs pays là, qui ont subi ce genre de dictature-là, peut-être pour les rappeler oui, à nos auditeurs. Sûr. Bien sûr, alors en fait ça s'est passé en deux temps, dans les années 70, vous avez en Argentine, au Brésil, en Uruguay, au Chili, des dictatures de sécurité nationale qui se mettent en place et qui, à travers leur politique répressive, poursuivent les mêmes nouvelles politiques néolibérales. Puis on retrouve ça plus tard en Amérique centrale, à travers cette fois-ci non pas des dictatures, mais des guerres de basse intensité. Alors au Salvador en particulier, au Nicaragua, et qui là aussi poursuivent le même objectif toujours, installer des régimes plus favorables aux politiques néolibérales et par la suite mettre en place ces politiques néolibérales. Mais en même temps que tout ça s'effectue, vous avez peu à peu une réaction qui se constitue en Amérique latine, et donc ça se rapproche plus de notre période, les années 2000, une réaction importante qui explique qu'on a beaucoup parlé d'un tournant à gauche de l'Amérique latine. Et alors ce tournant à gauche, il s'exprime par deux choses, par l'arrivée au gouvernement de présidents, ou de, oui, c'est essentiellement de premiers ministres, ou de présidents, je veux dire, ou de majorités, qui ont des perspectives de gauche et qui vont chercher à proposer des alternatives à ces politiques néolibérales. Alors on pense à Lula au Brésil, on pense à Hugo Chavez au Venezuela, à Rafael Correa en Équateur. Vous avez des tas d'exemples à Morales en Bolivie, des tas d'exemples de politiques qui sont nouvelles et qui consistent notamment à empêcher, par exemple, que les capitaux étrangers soient les rois et maîtres de la situation, à essayer de redistribuer les fruits de la richesse en direction des secteurs populaires. On voit qu'il y a de mêmes types de politiques. Alors c'est vrai qu'à travers ces politiques, il y a des différences. La voie n'est pas la même. La voie n'est pas prise de la même manière par Chavez, par exemple, et par Lula. Mais disons, globalement, là, il y a une tendance à vouloir mettre un frein à ces politiques. Puis d'autre part, ça, c'est au niveau politique. Mais peut-être, c'est peut-être plus remarquable ou encore plus intéressant au niveau proprement social. Vous avez la naissance de puissants mouvements sociaux qui ont été capables, dans certains cas, de renverser des gouvernements et qui toujours se sont organisés et se sont concentrés sur des politiques néolibérales très particulières. Par exemple, privatisation de l'eau en Bolivie, ou la volonté de grandes compagnies multinationales européennes ou étrangères ou américaines de vouloir s'emparer des ressources, par exemple des ressources gazières ou pétrolières. Alors, tout ça, ça a donné lieu à des puissants mouvements qu'on retrouve partout en Amérique latine, notamment le mouvement des zapatistes aussi au Mexique. C'est un exemple qui naît d'une lutte contre le néolibéralisme, puisque le zapatisme, première lutte zapatiste, c'est des luttes contre le fameux accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il faut le rappeler. Oui. Alors, c'est ce que vous parlez du sursaut social et politique étonnant à la fin des années 1990. On trouve des réactions très massives, très manifestes, et des mouvements qui sont très lucides, qui sont capables de mettre le doigt sur les impasses de ces politiques, c'est-à-dire des politiques, au fond, elles visent. Les politiques néolibérales, qu'est-ce qu'elles font? Elles appauvrissent les peuples. On rappelle encore, il faut toujours le rappeler, oui. Quelles sont ces fameuses politiques néolibérales? Elles appauvrissent les peuples d'une part, d'autre part, elles renforcent les possédants et les richesses déjà accumulées par les possédants. Elles accroissent les écarts entre les riches et les pauvres. Et globalement, elle redonne la gestion de l'économie au libre marché, au secteur privé. Donc, elles accroissent l'anarchie ou les déséquilibres du système économique. Donc, ce sont en général des politiques qui défavorisent les secteurs populaires de manière très, très claire, de façon systémique. Là, loin du bien commun. Bien sûr, on s'éloigne du bien commun, hein, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'ici au Québec aussi, on retrouve ces mêmes politiques. Peut-être la caractéristique du Québec, c'est que ces politiques, elles sont en train de s'établir et elles s'établissent plus lentement. Parce qu'au Québec, plus progressivement. C'est comme si au Québec, tout se fait sur le mode tranquille. On a eu une révolution tranquille. Mais ces temps-ci, on a une contre-révolution néolibérale tranquille qui passe par des étapes. La première, ça a été... Bon, 83, une première tentative, mais surtout 95 avec Lucien Bouchard et sa politique du déficit zéro. Voilà, ça c'est une politique néolibérale, très clairement néolibérale. Puis aujourd'hui, avec le nouveau budget du gouvernement Bachand, vous avez aussi des politiques néolibérales très claires, hausser les tarifs d'électricité, etc., hausser les droits de scolarité des étudiants. Ça c'est typiquement néolibéral. Mais c'est toujours à contrepartie. Donc, le gouvernement n'a pas assez d'argent. Donc, il y a toujours une... Il nous embobine un petit peu. Voilà, c'est ce qu'il prétend. Bien sûr, c'est, les politiques néolibérales, elles se drapent de justification. Elles tentent de se légitimer. Et la grande légitimation à l'heure actuelle, c'est de dire qu'on a des dettes et qu'on n'a pas de moyens financiers. Mais en fait, c'est totalement inexact. Jamais les pays, surtout un pays comme le Québec, n'a été aussi riche, n'a autant de moyens financiers. Sauf que les moyens financiers, plutôt que de le redistribuer au secteur... disons, au secteur populaire ou au secteur les plus démunis, sont appropriés par une minorité, d'ailleurs de plus en plus petite de la population, mais qui est en même temps de plus en plus puissante, hein, qui dispose de plus en plus de moyens financiers. Vous êtes plutôt critique de la gauche latino-américaine, puisque vous écrivez, et je vous cite, « Plus souvent qu'autrement, elle fut portée à faire le lit du néolibéralisme. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'un échec de la gauche ?» Ben, c'est parce que je dirais que la gauche, elle est quelque part en crise aujourd'hui. C'est-à-dire que cette volonté de créer politiquement des conditions qui rendent l'égalité plus forte pour tout le monde et plus réelle, plus effective pour tout le monde, cette volonté-là, dans les deux dernières décennies, elle n'a pas pu devenir effective comme telle. Et que plus souvent qu'autrement, la gauche, au lieu de se confronter directement au néolibéralisme, a tenté simplement d'en atténuer les côtés les plus extrêmes. C'est pour ça qu'on parle souvent d'un courant au sein de la gauche, qu'on pourrait appeler le courant social-libéral, qui ne remet plus en cause le néolibéralisme, mais qui cherche à lui donner un vague volet social. Mettons, je prends un exemple, plutôt que d'imposer aux étudiants des taux d'intérêt très hauts, eh bien, on va essayer de baisser en partie les taux d'intérêt. Voilà, ça c'est en espèce d'essayer d'adoucir les mesures néolibérales plutôt que de penser à une éducation libre et gratuite. Voyez-vous, ça serait aller contre le néolibéralisme et ça rejoindrait la tradition de la gauche, historique de la gauche. Mais aujourd'hui, la gauche, elle a eu tendance à s'adapter au néolibéralisme et à ne plus vouloir le confronter de plein fouet parce que l'offensive néolibérale était si forte, d'ailleurs, on le comprend d'une certaine manière, et la gauche était par ailleurs en crise, que ça lui paraissait difficile de faire autrement. Donc en Amérique latine, vous avez comme deux courants, un peu un courant social-libéral, puis un courant comme celui de Chavez, de Correa et de Morales, qui cherche à aller un petit peu plus directement en confrontation avec ce nouveau mode de régulation de l'économie. Alors cette façon-là, est-ce que c'est une façon est-ce qu'il y a de l'espoir avec cette façon-là ou comment vous voyez? La deuxième façon, oui, il y a plus d'espoir parce qu'effectivement, on cherche à poser les bases d'un autre monde possible et donc à s'attaquer aux racines de ce mode de régulation néolibérale. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, avec les crises économiques, les crises financières de 2008 et la crise de la dette souveraine en Europe là, en 2011, eh bien, on se sent obligé de plus en plus de voir que les difficultés économiques qu'on connaît, elles sont liées à un système global, à une structure à laquelle il faut nécessairement s'attaquer. Donc il faut revoir la structure. Bien sûr, fondamentalement. Et ça implique développer des politiques qui sont radicalement différentes de celles qu'on mène jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous avez quelques moyens à leur offrir là, pour participer à ce mouvement? Ben, aujourd'hui, il y a des tas de formes de résistance. Hein. Pensez aux luttes étudiantes, là, elles sont très importantes. Peut-être qu'aujourd'hui, la presse et les médias les présentent de façon un peu folklorique, mais elles sont très, très importantes. Elles sont, à mon avis, vitales. Pensez aussi à la lutte des indignés, là aussi, en insistant sur le caractère complètement arbitraire des mesures prises par les marchés financiers, même scandaleux, qui finissent par toucher à la vie quotidienne de millions d'individus. Ils pointent du doigt sur les défauts de ce système et sur la nécessité de s'y attaquer en profondeur. Et en dernier, le temps file, malheureusement, c'est très intéressant. Je voulais quand même qu'on parle de ce site. Peut-être si vous pouvez nous glisser un mot sur le site de Presse-toi à gauche. Oui, alors c'est un site d'information politique hein, qui chaque semaine, ou même quelquefois deux fois par semaine, tente de faire le point sur l'actualité à partir d'un point de vue de gauche, puis d'un point de vue d'une gauche qui serait, si je puis dire, en marche, hein, c'est-à-dire qui ne reste pas fossilisée, figée dans les vieux discours du passé, mais qui cherche à comprendre l'actualité de manière vivante et à se dresser à la hauteur des défis de cette actualité. Alors, Presse-toi à gauche, d'ailleurs, notamment, s'intéresse beaucoup à ce qui se passe du côté de Québec solidaire en particulier, hein, ou aussi des luttes, de toutes les luttes sociales, particulièrement des luttes étudiantes, parce qu'elles indiquent comment peut-être au Québec, on aurait là les moyens ou des outils intéressants pour s'affronter à ces problèmes majeurs que nous connaissons aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, donc Monsieur Pierre Moutarne, d'avoir accepté notre invitation de passer ici à l'émission Le Grain de Sable. Je rappelle aux auditeurs que Monsieur Pierre Moutarne donc a fait des essais, auteur et également est auteur notamment de Repenser l'action politique de gauche, essai sur l'éthique, la politique et l'histoire, donc qui est paru à Éco-Société en 2005. Et vous avez, on peut voir aussi sur votre blog. Les articles que vous avez écrits. Oui, puis ces temps-ci, je travaille sur un livre qui sortira à l'automne sur la révolution bolivarienne d'Hugo Chavez, sur toute cette période qui s'étend de 1998 et 2012, donc et pour essayer de comprendre justement dans ce pays, est-ce qu'il y a eu des avancées contre le néolibéralisme significatives et jusqu'à quel point et de quelle manière ces expériences-là pourraient aussi nous servir de leçon ou en tout cas d'aide, de laboratoire à partir duquel on pourrait apprendre ici, pour ici. Pour ici, pour appliquer ici, éviter de... Pas nécessairement appliquer, mais en tout cas pour voir comment on pourrait ici en finir, en tout cas avec les effets les plus négatifs de ce mode de régulation. Si on peut les éviter, oui. Alors, merci beaucoup encore, M. Moutarde, et j'invite les auditeurs à fréquenter le site de Prête-toi à gauche et aussi à encourager la revue Relations, donc d'où l'article tiré sur les traces du virage à gauche latino-américain. Alors, avant de poursuivre, nous allons faire on va écouter Por el suelo de Manu Chao. À tout de suite. Escuchando la última rola, mamacita. Là, c'était Manu Chao pour El Suelo que vous venez d'entendre à ici le Grain de Sable sur CKRL 89.1. C'est déjà l'heure de l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec. Alors, je me tourne maintenant vers Michel Monette, qui, je le rappelle, est notre réalisateur et metteur en onde. Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour, Valérie. Bonjour. On va y venir. Alors, on rappelle à nos auditeurs que Claude Vaillancourt, nous fabrique. Oui, nous fait un éditorial à chaque semaine. Oui. Et voilà, et cette semaine, son éditorial est en marge de la manifestation qui a eu lieu à Montréal, à l'édifice de la Bourse. On l'écoute. L'un des événements militants les plus importants de la semaine dernière a sans aucun doute été le blocage spectaculaire de la Bourse de Montréal qui a eu lieu jeudi. Rassemblés par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, des gens de diverses régions du Québec ont fait passer un message très important qu'il faut répéter encore et encore. Alors, ces gens s'opposent à la taxe santé de 200 $, à l'augmentation des frais de scolarité et à l'augmentation des tarifs d'Hydro-Québec. Mais en fait, ce à quoi s'opposent les membres de cette coalition, c'est surtout à un changement majeur dans la conception même de la fonction des taxes, des tarifs et des impôts que l'on retrouve dans les derniers budgets Bachand. Et ça, sans que ça ait fait l'objet de véritables débats de société, sans que ça ait été non plus un enjeu électoral. Alors, l'objectif, c'est de passer d'une fiscalité progressive, selon laquelle plus on gagne, plus on donne proportionnellement à nos revenus, donc passer d'une fiscalité progressive à une fiscalité régressive, c'est-à-dire moins on gagne, plus on donne proportionnellement de nos revenus. Alors, au Québec, historiquement, on a commencé à s'attaquer à la progressivité des impôts. On est passé de 16 paliers d'imposition à 3. Après cette quasi-élimination de la progressivité, on augmente tout simplement la régressivité. On augmente les taxes, les tarifs, ce qui va affecter beaucoup plus les pauvres et les classes moyennes. Parmi les mesures du budget Bachand, il y a la fameuse taxe santé, vraiment inacceptable, puisque, on l'a dénoncé à plusieurs reprises, quelqu'un qui gagne le salaire minimum donne exactement le même montant qu'un millionnaire. L'augmentation des frais de scolarité n'est pas acceptable non plus, puisque ça va rendre beaucoup plus difficile l'accès aux études supérieures des gens qui proviennent des classes moyennes et des classes pauvres. Ainsi, la lutte des étudiants n'est certainement pas une lutte d'enfants gâtés. Celle des gens de la coalition opposée à la tarification n'est certainement pas la lutte d'une bande d'irresponsables. Il s'agit bel et bien d'une bataille pour une société plus juste. Pour y arriver, il y a une voie fondamentale, c'est celle d'une fiscalité équitable, donc progressive. Les choix du ministre Bachand et du gouvernement Charest vont exactement dans le sens contraire, d'où la nécessité et l'urgence de s'y opposer. Il faut donc souhaiter bon courage aux étudiants et aux membres de la coalition opposée à la tarification. On sait que la bataille sera difficile, mais il s'agit bel et bien d'une bataille essentielle. Alors, merci à Claude Vaillancourt donc sur cet édito sur la manifestation de la coalition opposée à la tarification qui a eu lieu jeudi dernier à Montréal et de nous parler de la fiscalité équitable progressive. Voilà. Et justement, parlant de fiscalité équitable et progressive, juste rapidement avant qu'on aille à la pause, il y a une formation, une journée d'études organisée par Attaque Québec le 31 mars à Montréal. Les gens peuvent, on va mettre tous les détails là, sur notre blog, sur le blog de l'émission. Les gens peuvent d'ores et déjà s'inscrire. Les inscriptions sont ouvertes. Il va y avoir entre autres John Christensen, qui est fondateur du Réseau mondial pour la justice fiscale, et d'autres. Ça s'annonce fort intéressant comme journée d'études le 31 mars à Montréal. Tous les détails sur notre blog. Alors voilà, tout cela est fort intéressant. Ce qui est un court instant au retour, ce sera la chronique de Robert Jasmin. À tout de suite. Pour sa prochaine activité, le Ciné-Club Spirafilm vous propose l'émotion sur grand écran. Le 27 février 19h, à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, voyez Valse avec Bachir, d'Harry Folman, un film d'animation bouleversant présenté à Cannes en 2008. La séance sera précédée du court-métrage Le Dernier au revoir de Nathalie Tanou, Invité, Karine Boulanger, programmatrice à la Cinémathèque québécoise. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, la Boîte à pain, le Bal du Lézard et CKRL. Du 21 février au 10 mars, premier acte présente Iphigénie en auto. Du théâtre grec qui se passe à Québec en 2012. Une tragédie à échelle humaine, plus petite même, comme en miniature. Verte. On l'a pris verte. On sait que c'est ta couleur préférée. Elle a juste deux portes, mais c'est bien pour commencer. C'est à toi, juste à toi. C'est toi qui vas la conduire, puis c'est toi qui va falloir qu'il s'en occupe. Mais tu vas pouvoir aller partout. C'est à toi, juste à toi. Tiens, prends les clés. Iphigénie en auto, présentée à premier acte du 21 février au 10 mars. Une production de La Vierge Folle, texte et mise en scène de Maxime Robin. Bien disponible sur le réseau Billettec. Premier acte, une collaboration d'Hydro-Québec, de la Caisse populaire de Québec, d'Intermarché Saint-Roch, du Sacrilège et de CKRL. Les dimanches, les Routes Enchantées vous offrent leur harmonie. Tour à tour, Denise Leclerc, Sandra Lamoureux, Raymond Michel et Jean Perron vous accompagnent dès 13h. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. CKRL 89. Voilà, vous êtes toujours au Grain de Sable sur CKRL 89.1. Robert Jasmin est avec nous pour la deuxième partie d'émission. Alors, bonjour Robert. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on parle de où en est la gauche aux États-Unis. Alors, comme dans tous les pays, les États-Unis ont vu s'affronter les progressistes et les conservateurs tout au long de leur histoire. Pour comprendre où en est la gauche aujourd'hui chez nos voisins du Sud, il serait bon de remonter dans l'histoire récente. Alors, Robert Jasmin est avec nous pour embrosser un tableau. Voilà. Sans remonter trop loin, j'aimerais souligner le livre majeur pour comprendre toute la montée de la gauche aux États-Unis à travers même le début des États-Unis. C'est l'histoire populaire des États-Unis. C'est le titre du livre d'Howard Zinn. Et je pense qu'on ne pourra jamais recommander plus ce livre qui, selon moi, est le plus grand historien des États-Unis, qui est mort il y a 2 ans. Alors, si on remonte mettons un demi-siècle, dans les années 50, la gauche américaine a subi plusieurs revers, notamment à cause de l'infâme sénateur McCarthy, qui a fait régner la terreur parmi les progressistes, dont certains ont dû même s'exiler. Mais par la suite, dans les années 60-70, la gauche a pu compter plusieurs victoires, principalement dans le domaine des droits civiques, dans la lutte contre la discrimination et aussi, il ne faut pas l'oublier, contre l'agression américaine au Vietnam. Pardon. Et comme l'a mentionné Pierre Moutarde tout à l'heure, les années 80, ça a été la grande offensive idéologique menée par les néolibéraux. Et ça a duré pendant les années 80-90. On peut dire même que pendant cette période, la gauche a été comme anesthésiée. Parce que même des gens progressistes étaient tombés un peu dans le panneau idéologique de la droite qui disait, comme Margaret Thatcher, « There is no alternative ». Mais par contre, au moment où les effets néfaste du néolibéralisme commence à se faire vraiment sentir vers la fin des années 90. Il ne faut pas oublier, puis là aussi je fais un parallèle avec ce que Pierre Moutarde disait, il y a la bataille du Chiapas en 94 au Mexique. C'est des premiers coups de sonde de la gauche, finalement, qui se réveillent. Il faut un symbole, c'est la grande bataille de Seattle en 1999 aux États-Unis, qui était une première bataille où on voit l'internationalisation de la gauche contre le néolibéralisme. Mais les événements du 11 septembre ont mis un cran d'arrêt à cette progression. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont été profondément secoués et la droite en a profité pour déclarer ce qu'ils appelaient la guerre au terrorisme, comme oui. si on pouvait faire la guerre à un phénomène. Tu sais. On peut faire la guerre à un pays, à un adversaire, mais au terrorisme, ça se fait pas. Sauf que les gens ont été embrigadés malgré eux dans une espèce de croisade. Qui existe toujours et qu'on, rappelons-nous la phrase de Bush, qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc, il y a eu comme une espèce d'union sacrée partout aux États-Unis. Donc, il faudra attendre presque 10 ans pour que la gauche se réveille. Mais en 2008, il y a quand même eu l'élection du président Obama. Donc, est-ce que ça, c'est pas une victoire de la gauche? Bien, entendons-nous. Quand on vient d'un règne de Bush, à peu près n'importe qui peut être classé à gauche, même des gens de droite. Et il faudrait clarifier un point important sur l'opposition gauche-droite aux États-Unis. Cette opposition ne passe pas vraiment par les partis politiques, comme on le voit, par exemple, en Europe. Non. Parce que les partis politiques sont, à quelques exceptions près, chez les démocrates, ce sont deux partis de droite. Les démocrates sont un peu moins à droite, mais on ne peut pas parler vraiment de gauche. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, la politique est complètement sous la tutelle des grandes corporations, des grands milliardaires. Mais Robert, où se situe la gauche si elle n'est pas dans un parti politique? Alors voilà, j'ai pensé qu'on pouvait l'illustrer avec 3 exemples. 2 exemples d'actions collectives et 1 de personnalité montante dans laquelle la gauche se reconnaît. Alors, si on veut, on peut commencer par le premier exemple. Le premier remonte à l'hiver et au printemps de l'an dernier. On peut le nommer en disant, ou en l'appelant, le soulèvement du Wisconsin. Je vais rappeler un petit peu dans quelles circonstances. Le Scott Walker, c'est un nouveau gouverneur d'extrême droite élu dans la foulée des élections de novembre 2010, demi-mandat. Il va être mis au pouvoir par les frères Koch. Les frères Koch, c'est des deux frères milliardaires qui ont financé exactement son élection. Et à peine élu, un peu grisé, un peu comme Harper le fait, grisé par une majorité, il va se payer une attaque frontale avec les syndicats du Wisconsin. Mais en fait, c'est toute la classe moyenne qui se sent visée par cette attaque. Le gouverneur décide d'éliminer le droit d'association et de négociation dans tout le secteur public. Il se met à dos les pompiers, les policiers, les infirmières, les enseignants, pour lesquels il baisse les salaires et réduit les bénéfices en disant « The state is broken ». Alors, éliminer les droits d'association, négociation, on parle vraiment de le droit au syndicat? Oui, le droit vraiment, le droit d'association, en fait. Et c'est la première fois que les gens réalisent que le gouvernement, ils prennent conscience, en fait, que le gouvernement avait trouvé l'argent pour enflouer des banques criminelles, mais qu'il n'y avait plus d'argent pour la classe moyenne, pour les services publics. Alors que les riches ont bénéficié de baisses d'impôts considérables sous l'administration républicaine de Bush et même de Clinton. Alors, il y aurait donc riposte populaire à ce moment-là? Oui. Alors, et d'une manière très importante et complètement inusitée. La population va envahir et occuper le Parlement de l'État. Ça, c'est il y a un an, là. Hein? Oui, c'est pas exactement, longtemps. Exactement, mm-hmm. En plein mois de février. Alors, c'est d'actualité. Oui. Ce n'est pas de la fiction, non, je vous le rappelle, chers auditeurs. C'est pas de la fiction, non. Heureusement. La population va donc envahir le Parlement de l'État pendant plusieurs jours sans que la police n'intervienne. C'est important parce que la police se sent visée aussi par les mesures de droite. Alors, les 14 sénateurs démocrates de l'État, je ne sais pas si on s'en souvient, on avait parlé ici, mais les 14 sénateurs démocrates de l'État décident de sortir de l'État pour ne pas être contraints par la garde nationale de se présenter pour siéger. Parce qu'aux États-Unis, si vous êtes élu, vous êtes forcé manu militari de vous présenter pour siéger. Si vous décidez de ne pas vous présenter, on va vous chercher Manette aux mains. Donc, les 14 sénateurs vont sortir de l'État, vont payer quelques semaines d'hôtel en vacances dans l'État voisin mm-hmm. pour ne pas siéger et pour empêcher que les lois iniques de Walker puissent être adoptées. Mais pendant ce temps-là, la population, la révolte va durer des semaines et une formidable opération d'éducation populaire va se mettre en branle. Et un an plus tard, aujourd'hui, il faut voir là, que ça n'a pas cessé, le gouverneur d'extrême droite, Walker, se retrouve face à une obligation de se représenter devant l'électorat parce qu'il a fait l'objet d'une pétition rassemblant 1 million de signatures, soit le double de ce qui est nécessaire pour que le gouverneur soit soumis à une procédure de rappel et d'élection. Aux États-Unis, il y a une procédure, du moins dans le Wisconsin, qui permet à la population de rappeler en élection un élu après un an. Donc, si la population n'est pas satisfaite... Elle signe, ça prenait 500 000 signatures dans le Wisconsin, ce qui est énorme. 500 000 signatures, c'est presque impossible à atteindre, normalement. Mais là, on a eu 1 million, le double. Le double. Oui. Donc, il va y avoir une élection. On ne sait pas exactement encore quand, mais et la bataille n'est pas gagnée. Parce que Walker, on a estimé que depuis qu'il y a une procédure en marche pour un rappel de son élection, il reçoit, on a estimé, environ 5 millions de dollars par mois pour préparer sa réélection. Alors, les milliardaires sont très, très, très conscients que cette opération populaire peut servir de symbole et être extrêmement dévastatrice pour eux. Alors, merci, Robert Jasmin, pour ces informations. Et avant de poursuivre cet entretien sur l'état de la gauche aux États-Unis, on écoute Chicanos par les Fauves. Thank you. Voilà, c'était Chicanos par les Fauves. Je vous rappelle qu'après Le Grain de Sable, ce sera Conte de Fées animé par Olivia Vu. En attendant, nous sommes toujours en compagnie de Robert Jasmin, avec qui on discute de la gauche aux États-Unis. Robert, tu nous as mentionné deux exemples de sursauts de la gauche au chapitre des actions collectives, donc ce qui est entrepris là-bas. Donc, je présume que le second est relié au phénomène Occupy Wall Street. Oui, évidemment. Et ce phénomène, il faut le rappeler, est un peu l'écho de ce qui s'est passé à la fois dans les pays arabes et en Europe avec le mouvement des indignés. Rappelons que, pour revenir à Occupy Wall Street comme tel, c'est à la fin juillet dans la revue Adbusters qu'il y a un mot d'ordre qui est lancé. Une revue qui est considérée comme marginale. Mais comme toutes les revues marginales, il faut se poser la question qui la lit et non pas combien de personnes la lisent. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la semaine, mais ça ne provoque pas des soulèvements populaires. Non, on peut le constater. Un mot d'ordre qui est lancé, Occupy Wall Street, et deux slogans, nous sommes le 99%, ça c'est la trouvaille de la décennie, et aussi... Les banques ont été renflouées et nous avons été volés. Donc, la situation aux États-Unis crée des conditions objectives très favorables à une révolte. Quelques chiffres qu'il faut rappeler. 46 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Une crise qui perdure depuis 2008. Une hausse marquée du chômage. L'accroissement du travail à temps partiel. Donc, baisse des revenus et baisse de la consommation. Réduction des postes dans le secteur public et un accroissement phénoménal des inégalités. Et juste pour illustrer, dans les dernières décennies, le revenu moyen du 1% de la population s'est accru de 250%. Donc le 1% de la population ouais, a eu une hausse de revenus de 250% en l'espace de deux décennies. Ça me fait penser aux frères... Les frères Koch. Oui. D'accord. Alors que dans la seule dernière décennie, le revenu de la plupart des citoyens a baissé de 6%. Donc, le 17 septembre dernier, Plus de 1000 personnes descendent dans la rue à New York et la marche se termine par l'occupation de Wall Street par 200 personnes. Après deux jours et plus de 700 arrestations, le nombre de sympathisants et de manifestants ne cesse de croître et un véritable village s'installe dans le fameux parc qui longe Wall Street. Un mois plus tard, les sites d'occupation se sont multipliés. 719 villes dans 71 pays. Qui étaient ces gens qui participaient aux occupations? Alors, tout simplement des personnes dont les maisons avaient été saisies par les banques, des étudiants surendettés, des chômeurs, dont de très nouveaux chômeurs de la classe moyenne supérieure. Donc, des gens politisés et très informés, avec un discours très articulé. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, des salariés du secteur public victimes de coupures sauvages ou qui appréhendaient le retrait de l'État. Avec l'hiver, ces gens-là, bien, ils ont été chassés un peu partout, donc ils ne pouvaient plus occuper. Alors, y aurait-il une suite? Eh oui, et j'ai reçu une information d'une très grande importance il y a deux jours. Des bonnes nouvelles? Oui, oui. Moi, je crois que c'est des bonnes nouvelles. L'Assemblée générale du contingent Occupy Wall Street a décidé d'organiser une grève générale pour le 1er mai. Le texte approuvé par l'Assemblée générale dit ceci. Le 1er mai 2012, Occupy Wall Street se déclare solidaire d'un appel pour un jour sans le 99%. C'est-à-dire de montrer qu'est-ce qui se passe quand le 99% décide de ne plus marcher. Ne travaille plus. Il n'est plus dans le système. Alors, une grève générale et plus encore. Le 1er mai, alors voici le mot d'ordre, le 1er mai, où que vous soyez, nous vous appelons à respecter le mot d'ordre suivant. Pas de travail, pas d'école, pas de travail domestique, pas de magasinage, pas d'activité bancaire, prenez la rue. Ça, c'est la traduction exacte de ce qui a été voté avant-hier à l'Assemblée générale d'Occupy Wall Street. On aura sûrement l'occasion de revenir sur ce merveilleux projet de société. Tout à fait! Alors, il nous reste peu de temps. Tu nous as trouvé une trouvaille, si je peux dire. J'aimerais parler d'une personnalité qui réveille la gauche américaine. Oui, il s'agit d'une femme, Elizabeth Warren, ancienne professeure de droit à Harvard, qui est issue, assez étonnante, d'une famille modeste. D'habitude, quand on enseigne à Harvard, on a des antécédents familiaux assez hauts. Cette femme est devenue la cible numéro un du milieu financier. Dès 2007, elle mettait en garde contre les produits financiers dangereux. Et depuis, elle mène une bataille acharnée pour la mise en place d'une agence de protection des emprunteurs et des consommateurs. Évidemment, un projet que les républicains et les milieux financiers n'ont pas cessé de torpiller. Elle était pressentie par Obama pour diriger une telle agence, mais Obama, encore une fois, a préféré abdiquer dans la recherche d'un éternel compromis avec les républicains. Et juste pour terminer, voici un petit peu comment elle se bat. Cette femme, aujourd'hui, a décidé de se porter candidate au Sénat du Massachusetts. C'était pour représenter le Massachusetts à Washington. Et elle fait une campagne avec des assemblées, comme on dit ici au Québec, des assemblées de cuisine. Et toutes ces assemblées sont filmées par des militants et mises sur YouTube. Et voici un petit peu le langage qu'elle emploie. Et c'est une leçon pour la gauche de dire... Je pense qu'il faudrait dire les choses simplement, mais vraies, et même les évidences, les rappeler, parce qu'il y a des fois où on ne voit plus les évidences. Elle dit ceci. Personne dans ce pays n'a fait fortune seul. Personne. Vous avez construit une usine, tant mieux pour vous. Mais soyons clairs, les routes sur lesquelles vous transportez vos marchandises, nous les avons tous payées. Nous avons tous payé pour l'éducation de vos employés. Votre usine est en sécurité grâce à une police que nous avons tous payée. Alors voilà, vous avez construit une usine et ça a très bien marché, parfait. Gardez une grosse partie de vos gains, mais une partie du contrat social veut qu'une autre part aille aux prochaines générations, donc à l'impôt, au bien commun. Alors, c'est rafraîchissant, un discours comme ça aux États-Unis. C'est assez unique. Ça ébranle les colonnes du temple et ça porte d'autres politiciens, peut-être, à se dire qu'avec la pression populaire, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Merci beaucoup, Robert Jasmin, pour cette chronique sur l'état de la gauche aux États-Unis. Et j'invite les auditeurs à aller découvrir Elizabeth Warren. Je me tourne maintenant vers Michel Monette, avec qui on surveille les événements cette semaine. Oui, rapidement, Valérie. D'abord, on a appris entre les lignes qu'il y a ce soir un beau party qui se prépare à Limoilou. Ce sont des gens qui vont participer au Pentathlon des neiges le 26 février prochain. Et l'idée, c'est de leur offrir support et argent en vue de cette compétition amicale. Ce qui est intéressant dans leur décision, c'est qu'ils vont encourager, eux, de leur côté, ils vont remettre les fonds au Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec qui amassent des fonds pour soutenir les groupes de militants qui brassent la baraque dans les quartiers centraux de Québec, écrit-il. C'est clair! Alors, c'est clair. Donc, si vous voulez, c'est à la coopérative d'habitation Les Pénasses, au 355e rue à Québec. Ça commence à 20h. Pour information, il faut appeler Richard Fecteau au 418-528-1611. Sinon, à Montréal, ce week-end, il y a une manifestation à ne pas manquer si vous y êtes. C'est Libérons la démocratie, c'est Occupons le forum social. Alors, c'est une marche théâtrale. Ça commence à 12h45 devant les bureaux de Jean Charest sur la rue McGill. Ça, c'est au coin de Sherbrooke. Et le rassemblement final et atelier à 14h30, c'est à la Fonderie Darling, 745 rue Ottawa, si vous ne pouvez pas aller à la marche théâtrale, les gens qui sont à Montréal. Alors, c'est un appel à l'action-réflexion. Et ça va un peu dans le sens de ce que vient de dire Robert. C'est vraiment réfléchir, finalement, à ce qui se passe actuellement. C'est une initiative qui est le fruit d'une convergence entre des membres du mouvement Occupons Montréal et de la mouvance des forums sociaux au Québec. C'est une nouvelle manière de faire entendre notre voix et de crier haut et fort qu'un autre monde est possible. Voilà ce que j'ai le temps pour une autre petite information. Crack Bitume, c'est un collectif éco-quartier, mardi le 21 février à 19h. C'est une séance d'information sur le plan Nord. On en a parlé la semaine passée du plan Nord et l'industrie minière, suivie d'une discussion sur le sujet. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site crackbitume.org. Et sinon, il y a une dernière petite chose, il y a les Amis de la Terre qui a une conférence avec Daniel Breton. Ça, c'est mercredi 22 février. On va mettre ça sur notre blog. Merci, Michel. Alors, une semaine bien remplie. J'aimerais remercier mes invités. Alors, Robert Jasmin, également Pierre Mouterne et également l'éditorial de Claude Vaillancourt. Merci beaucoup, Michel, pour la réalisation de l'émission et également Fabien Duby pour la mise en onde, sans qui cette émission ne serait pas possible. Maintenant, on se retrouve la semaine prochaine, samedi midi, même heure. Je vous souhaite une bonne semaine.